Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. Pour vos différentes pièces automobiles, c'est l'équipe de pièces auto Lavoie Baudry Napa qu'il faut voir. Une équipe chevronnée, d'expérience, avec des prix imbattables. Pièces auto Lavoie Baudry Napa, 890 3e rue Chibougamau, 418-748-6426. L'équipe de pièces auto Lavoie Baudry Napa de Chibougamau souhaite une bonne saison à tous les golfeurs. On va parler de la chronique du club de golf de Chibougamau, une présentation du club de golf et de Auto Pièces Auto Napa de Chibougamau. On parle avec Michel Lallemand. Salut Michel! Bonjour, Danny. Michel, évidemment, moi, je veux revenir sur le décès de Jean Ouellet parce que tu es un gars natif de Dolbeau. Puis avant de rentrer en nom, tu me disais que tu as bien connu Jean et Thomas, parce que Thomas est encore en vie. Par contre, là, on me dit qu'il est dans une situation au niveau de sa santé assez difficile, par contre. Donc, tu as bien connu également Jean Ouellet, là. Oui, moi, j'ai connu les deux frères Ouellet, évidemment, parce que à partir du moment que j'ai commencé à jouer, je dirais au niveau bantam, Jean Ouellet a toujours été associé à mon équipe de hockey, au bantam, au midget. Quand j'ai arrivé dans le junior, dans les années fin 70, début 70, avec Paul Ménard et compagnie, Jean était un des entraîneurs des Castors. Okay. Il a toujours été là. Par la suite, après mes études, quand j'ai revenu, j'ai été 10 ans responsable de l'aréna à Dolbeau. J'ai côtoyé Jean. Tous les jours, il était à l'aréna. Il arrivait de bonne heure. Il allait préparer la chambre pour les jeunes quand il allait arriver, mettre les chandails, sortir les bâtons. Mm. Il a toujours, toujours été présent dans l'aréna. Okay, okay. Moi, j'ai beaucoup plus fait affaire avec Jean. Okay. Parce que Thomas était avec les plus vieux. Okay, ouais, Thomas, lui, est arrivé avec ce qu'on appelle les anciens castors. Dans le temps, Rémi Bernier, Gracien Gay et compagnie. Puis quand ces gens-là ont tombé avec la Ligue senior, Thomas était l'entraîneur du senior, les Barons. Puis c'est là que Jean s'est impliqué avec les castors juniors. OK, OK. Évidemment, donc, c'est un personnage. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui connaît Jean Ouellet. Faut vraiment avoir 40 ans et plus, je pense, pour y avoir été dans les arénas pour comprendre ce que c'est la réaction de Jean Ouellet. Et si tu vois les médias sociaux, parce que moi, j'étais en croisade, c'est les médias sociaux, on voit la réaction des gens, hein. Ça vient de partout, là. C'est des gens de Dolbeau, mais qui sont un peu partout, qui se rappellent de Jean Ouellet. C'est quand même intéressant de voir les commentaires, là. Écoute, je voyais sur Facebook hier deux anciens des Aiglons puis des Aigles d'Alma. Dans les années 70 puis dans les années 65, là. Puis tous les deux, autant Lavigne que Gagnon Bobineau, disaient, nous, c'était un personnage. Toutes les fois qu'on arrivait à l'aréna à Dolbeau, il était là pour nous ouvrir la porte puis nous agacer puis dire qu'on allait se faire battre par les castors, mais il était unanime à reconnaître le dévouement de Jean Ouellet. Ça, c'est partout dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. OK, fait que, c'est partout, puis les funérailles demain après-midi à Normandin à 15h30. Michel, c'était le championnat du club la semaine passée, mais avant, je veux te parler de Pierre-Alexandre Bédard. Pierre-Alexandre Bédard qui... Écoute, 11 500 $ en bourse, ça y a donné à Victoriaville, c'est quand même une bonne performance. Puis 11 000 $, c'est sûr que c'est pas net, c'est brut, mais c'est quand même, ça commence à être intéressant. Je sais pas sur le Canadien Pro Tour comment il est rendu en bourse, mais ça commence à être un salaire intéressant. On parlait de ça il y a quelques semaines dans la chronique, puis je te posais la question s'il pouvait aller chercher un 30 à 40 000 $ et gagner sa vie honorablement. Ben, quand tu gagnes 11 500 $ dans une fin de semaine, ça commence à être intéressant, là. La seule problématique, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tranches du circuit Pro Tour Canada au Québec. Il y en a eu une à Aubic, à Rimouski, où ce qui a gagné, c'était moins important. C'était plus au niveau provincial. Oui, la bourse était tournée. Puis on se rappellera qu'avant, il était allé au circuit Pro Tour Canada, puis il n'avait pas fait la cote, puis il avait gagné 300$. OK. Et là, sa troisième position, ce qui est tout à fait phénoménal, pratiquement le meilleur Québécois, parce que le gagnant, c'est quand même un Québécois d'adoption qui est arrivé depuis l'âge, alors qu'il avait l'âge de 16 ans. Mais il a battu tous les meilleurs pros au Canada, là. Ouais. Puis au Québec, pour finir troisième, c'est phénoménal, mais c'est pas tous les tournois comme ça, là. Non. Il va faire les tournois de l'AGQ, là, les professionnels du Québec. Ouais. Puis le grand gagnant va gagner 2000, là. OK. Fait que, par contre, dans les tranches payantes, ça a été payant pour lui, mais il faut pas oublier qu'au minimum, sa saison de golf, c'est entre 50 et 60 000 $ pour une année complète. OK, là. OK. Là, il rend, le tournoi de l'autre fois qu'il a gagné, il a donné combien à bourse? Je le vérifiais, là. C'était combien, tu sais-tu? À Rimouski, ça, il a donné 6 000. Ah, il rend, doit être rendu, doit, c'est sûr que c'est une année de 50 à 60 000, mais il doit être rendu à quoi? 20 000, 25 000 en bourse depuis le début, là? Oui, d'après moi, il y avait 11 000 7 plus 7. Ouais. Fait 18, puis il doit être à l'entour de 20 000, peut-être. OK. C'est mais, sûr que c'est pas écoute, beaucoup, mais c'est... Au-delà de l'argent, ouais. Pour lui, l'important, c'est la reconnaissance, c'est se faire voir, possibilité de se trouver des commanditaires, puis amasser des points pour le Web Tour, qui est son objectif de cet hiver en Floride, aller faire la qualification, accéder au circuit Web Tour, puis après ça, aller sur le circuit web des champions. Oui, mais je veux dire, puis il y avait un article dans le Journal de Montréal, là, ça commence à être intéressant. Là. Tu l'as vu, tu l'as même partagé. Oui, oui. Donc, oui. Donc ça commence à être... Sa visibilité apparaît, puis ils disent, là, ouais. Possiblement, un des meilleurs jeunes au Québec ouais. En devenir. Ah ouais, donc on va le surveiller de près. Je devais y parler, je ne sais pas pourquoi, il ne m'a pas retourné mon appel. D'habitude, il m'appelle tout le temps, ou il me partage, je ne sais pas si ce qui est. Mais c'est pas le gars qui est, c'est pas le gars que j'ai le plus de misère à rejoindre. Je peux dire en aparté, là, que le dimanche, après sa dernière ronde, il a confié à son père et à ses amis proches qui étaient là que ça fait longtemps qu'il n'avait pas été aussi fatigué après une ronde de golf. Okay. Ça a été 4 jours intensifs, pis c'est autant fatigant pour le moral, sinon plus la concentration que le physique de jouer les 4 rondes de 18 trous. Okay. Donc, cette semaine, c'est sûr que c'est la récupération totale. Ah, c'est pour ça qu'il veut rien savoir de moi, puis c'est bien compréhensible. Championnat du tour, championnat du club en fin de semaine? Oui, on a eu des belles performances. On avait une trentaine de joueurs. C'est un peu moins que les années dernières, mais c'est compréhensible parce que le samedi, on a roulé sur la pluie du matin à la fin de l'après-midi. Donc, ça en décourage plusieurs. On a eu des très, très belles performances, entre autres, des 2 champions de club chez les hommes, Marc-Olivier Bougie, 75 le samedi, 72 le dimanche pour 147. Et chez les dames, Lise Matt, 88 et 85 pour 173. Donc, vraiment des belles performances. La même chose dans les autres classes. Et tout le monde était bien satisfait de ce championnat de club. Ben, c'est pas mal le fun. Là, il y avait un omnium senior. Je pense que vous n'avez pas vous, hein? Vous n'avez pas, je pense, qui était là. On a un. Ouais, on a un. Local, il va avoir lieu dimanche. Ah, OK, OK. Non, mais c'est parce qu'il y avait un omnium. Oui, il y avait un omnium senior sur le lac Saint-Jean. Vous n'avez pas dû de golfeur, là, hein? Non, on participe pas au circuit des seniors du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Chez nous, ça va être local. OK. Tu as autre chose qui s'en vient? Non, et 2 petits tournois, possiblement, pour la fête du travail, pour ceux et celles qui vont demeurer à Chibougamau. Ouais. Mais c'est des participations plus minimes parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont sortir à la fin de semaine de la fête du travail. Ben oui. L'achalandage, comment c'est à date? C'est-tu pas pire? C'est tranquille. C'est un été difficile. Ah, encore une fois. Possiblement un des plus difficiles. Encore une fois, on se répète, là. Ouais. Mais, te donner une idée, là, ça fait 2 jours complets qu'on est fermé. Aujourd'hui, on a le tournoi Centraide. On avait 40 joueurs de cédulés à matin. On les a incorporés avec les 80 de l'après-midi. Parce que ce matin, c'était encore une fois le déluge. Ben oui. Là, ça s'est calmé. Donc, on devrait avoir des départs simultanés pour 120 joueurs à partir de 1h30 cet après-midi. Donc, on va surveiller ça de près. Michel, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Donc, un gros merci. On rappelle que la chronique est une commandite du club de golf de Chibougamau et Autopièce Autonapa. Michel, on s'en reparle jeudi prochain. Tout mon plaisir. C'est la chronique de Michel.